C'est elle qui vient sans prévenir, c'est elle qu'on ne peut pas guérir. C'est elle qui le bouleverse des amis, brise une famille. C'est elle qui a fait que tu finisses sous terre. C'est elle qui a fait que ma mère a perdu ses repères. C'est elle, mec, qui arrive quand t'abuses de l'alcool, que tu prennes le volant et tu perds le contrôle. Cet ange qui vient à toute heure, prend ton âme sans pitié. C'est son devoir sur terre, il cherche même pas savoir qui t'es. C'est elle qui est la cause, qui est la porte de l'au-delà, qui t'annonce ce départ sans te même dire au revoir. Et mec, c'est elle que tu pourrais trouver dans une embrouille de cité. La vie, je la quitterai pour elle, mec, si je me droguais. Si vide qu'elle serait plus dangereuse qu'un bolide. Et la foi ouvre les yeux et n'attend pas que t'aies des rires. Des gens partent comme des feuilles, on se croirait en automne. À peine le temps de découvrir cette vie monotone. Ta vie va si vide qu'elle serait plus dangereuse qu'un bolide. Et la foi ouvre les yeux et n'attend pas que t'aies.